La signalisation annonce un virage dangereux à droite, à 150 mètres environ, et une interdiction de s'arrêter qui prend effet à hauteur du panneau, et ceci pour deux raisons principales. Le risque de chute de pierre, on aperçoit les filets métalliques tendus contre la paroi rocheuse, et l'impossibilité de se garer sans gêner les usagers qui suivent. Avant le panneau, l'interdiction de s'arrêter tient du bon sens. On sort d'un virage et le muret ne permet pas de serrer à droite pour dégager la chaussée. Je dois donc rouler. Réponse B et D.